voice must be said, and those who are sleeping, rise out of your bed, because I don't be misled. You see, we watch this. All this brutality, those who should serve and protect. On parle de la manif, donc il y a un rassemblement, il y a un rassemblement contre les violences policières samedi 22 janvier. C'est un rassemblement qui se situera face à la gare centrale au carrefour de l'Europe à Bruxelles à 14h. Alors donc je vais vous dire un petit peu comme pourquoi. J'ai vu des jeunes sortir avec des traces de coups. Un garçon saignait du nez et était en larmes. J'ai vu une maman qui attendait ses deux enfants de 11 et 12 ans. Ils sont enfin ressortis en pleurant. Mon fils n'avait toujours pas été relâché. D'autres jeunes ont continué à sortir, blessés. Des parents demandaient des explications aux policiers, mais on ne leur répondait pas. C'est une déposition au comité P de Madame H, maman de J, enfermée à la caserne des Terbeck le 24 janvier 2021. Un an plus tard, la justice n'a sanctionné aucun des policiers identifiés. Pour combattre l'impunité dont bénéficient les policiers violents et racistes, nous vous invitons au rassemblement contre les violences policières ce samedi 22 janvier à 14h face à la gare centrale. C'est via le collectif des parents contre les violences policières du 24 janvier. On avait rendez-vous avec un porte-parole du collectif des parents contre les violences policières du 24 janvier qui organise cette manifestation. Bonsoir, Monsieur Piquet. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ben, je suis content que ça marche quand même de vous avoir en ligne. Donc, vous êtes dans le collectif des parents contre les violences policières du 24 janvier. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé le 24 janvier 2021 Oui, c'est assez simple. Il y a une manifestation qui a lieu devant la gare centrale. Il y a 170 jeunes qui sont rassemblés. C'est une manifestation contre les violences policières. En face, il y a 450 policiers, donc pratiquement 3 policiers par manifestant. Il y a également hélicoptères, autopompes, etc. Tout le déploiement habituel de la police de Bruxelles. Oui. Et à un moment donné, les 450 policiers prennent tous les manifestants en masse. Ils prennent également tous ceux qui sont à proximité, donc qui attendent leur bus, qui sortent de la gare, qui sortent du CUIC avec un arborière. Ils prennent tout le monde, 245 personnes, ils les mettent par terre, ils leur mettent des colsons et ils les emmènent à la caserne des Verbeek. Là, les jeunes sont répartis par cellules en fonction de l'âge, du sexe, etc. Et ils vont rester là jusqu'à 10 heures du soir. Et il y a un groupe de policiers, ils sont une dizaine. Ils vont passer dans chacune des cellules. Et dans les cellules, ils vont insulter les jeunes, les provoquer, en prendre certains, les tabasser devant leurs amis. Et ceux qui réagissent se font tabasser aussi. Et donc, il y a une sorte d'énorme violence assez raciste qui va se développer pendant pratiquement une demi-journée dans la caserne des Verbeek. Et donc les jeunes ont raconté tout ça à leurs parents. Mon fils était parmi ces jeunes. Et donc les parents ont décidé de s'organiser, de former un collectif et de porter plainte. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Est-ce que la police, elle a réagi ? Alors la police, non. Alors la police, elle-même ne réagit pas. C'est le comité P, puisque les plaintes sont adressées au comité P, hein, pas à la police, donc à la police de police. Donc il y a 20 personnes, 20 plaignants qui ont déposé une plainte. Il y a également une plainte qui a été déposée auprès du parquet. Donc, c'est une instruction qui est menée par un juge d'instruction, par le juge Ancio. Et donc, il y a des plaintes à deux niveaux, donc comité P et juge d'instruction. Donc, à partir de là, il y a une série d'auditions qui ont été faites de tous les plaignants, mais aussi, des policiers qui ont été identifiés comme étant les auteurs de ces violences. Est-ce que ça avance ? Est-ce qu'il y a des développements ? Non, c'est bien pour ça qu'en fait, on réagit. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ça fait un an que les faits se sont passés. Hein, donc, ça fera un an lundi que les faits se sont passés. On sait qu'au sein de la police, il y a des gens qui se comportent comme des délinquants. C'est des gens qui sont clairement des racistes. Hein, on entend des choses terribles qui ont été dites aux adolescents qui étaient là. Il y a des coups très graves qui ont été portés. Il y a eu des étouffements. Il y a des têtes qui ont été cognées contre le sol, etc. Donc, il y a une énorme violence qui a été développée par la police, en tout cas par des policiers. Peut-être pas par la police, mais par des policiers en particulier, au point tel que, et c'est vraiment exceptionnel, il y a des policiers qui ont écrit au chef de corps pour dénoncer leurs collègues en disant « il s'est passé des choses terribles ». Donc ça arrive assez rarement, donc les choses étaient vraiment extrêmement violentes. Mais donc la police elle-même n'a pas réagi et le comité P a mené son enquête. Mais ce qu'on doit faire, nous, les parents, les plaignants, les avocats, c'est qu'on est un an plus tard, ces gens qu'on aurait pu identifier, je parle ici des policiers violents et racistes, qui pouvaient être identifiés en 24 heures, sont toujours dans la police. Il n'y a pas de sanction. En tout cas, nous n'avons rien entendu de cet ordre-là et on trouve que c'est insupportable. Du coup, le rendez-vous, c'est le 22 janvier. Et donc, samedi, on organise une manifestation, une grande manifestation qui part de notre situation, hein, des violences policières du 24 janvier l'année passée. Mais c'est une manifestation beaucoup plus ouverte que ça, puisque nous allons inviter d'autres collectifs. Des collectifs qui ont été créés contre les violences policières, Justice pour Maouda par exemple, ou le collectif des Madresses. Donc ça va être une manifestation assez ouverte sur la question des violences policières et l'impunité, parce que la règle c'est l'impunité. Vous connaissez peut-être les chiffres, hein, c'est le comité P qui les donne. 90% des plaintes contre les policiers n'aboutissent à rien. 90% sont considérées comme des non-lieux ou des vices de procédure ou non fondés. Donc c'est très très difficile de porter plainte. On est très peu écouté par la justice, et quand on porte plainte, on a très très peu de chances d'aboutir à des sanctions. Donc ça, c'est la situation de la justice, et on voudrait dénoncer ça lors de cette manifestation. Ok. Merci beaucoup, monsieur, et beaucoup de succès avec vos démarches. Voilà, j'invite tout le monde à 14h à la gare centrale. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont déjà répondu présent, donc on a un très très bon écho par rapport aux annonces qu'on a faites. Donc ça se présente plutôt bien et on pense que c'est un moment important parce que tous les jeunes sont concernés, tous les jeunes aujourd'hui ont un peu peur de la police, ça ne va pas. Et une police qui est violente et qu'on laisse être violente, c'est un petit peu moins de démocratie dans ce pays et pour nous ça non plus c'est pas acceptable. Donc on veut se mobiliser et on veut lutter contre ça. Ok, merci beaucoup et bonne chance pour samedi. Merci beaucoup et c'est très gentil de m'avoir invité. Voilà, bonne soirée, au revoir. Oui, au revoir. Et ensuite à ça, c'est pas la seule rassemblement contre la violence policière, parce qu'on a eu pas mal de violences policières, même meurtrières, l'année passée et des années avant, ici à Bruxelles. Et donc, il y a aussi une mobilisation ce mercredi, le 26 janvier, à 9h. C'est devant le cour d'appel. Cette fois-ci, on parle le cas de Sabrina et Wassim. Pour rappel, c'est le 9 mai 2017. Wassim roulait à moto. Sabrina était passagère. Trois voitures de police les ont poursuivies parce qu'ils n'auraient pas respecté la limite de vitesse et qu'ils n'auraient pas porté de chaussures adéquates. Une quatrième voiture s'est placée en travers de la route juste à la sortie d'un tunnel. Wassim n'a donc pas pu voir cette voiture en sortant de ce tunnel. La collision inévitable a entraîné la mort des deux jeunes. La course-poursuite était illégale. Les policiers n'ont pas le droit d'entamer des poursuites dangereuses, mettant la vie de plusieurs personnes en danger pour des infractions au code de la route qui peuvent être sanctionnées par des amendes. Le 13 août, la Chambre du Conseil de Bruxelles a estimé que les policiers impliqués dans la course-poursuite doivent être inculpés du chef d'homicide involontaire. Suite à cette décision, la policière devait enfin rendre des comptes. La mort des deux jeunes ne peut pas rester impunie, mais le procureur a interjeté l'appel. Donc seule une mobilisation peut garantir que cette affaire ne soit pas enterrée ou oubliée. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut agrandir la mobilisation. Et il faut, si vous pouvez vraiment être là à 9h pour cette affaire qui se passe devant la cour d'appel, donc Place Pollard à Bruxelles, pour soutenir la famille et exiger justice pour Sabrina Wassim. Tu répètes peut-être la date et l'heure ? Ah oui, c'est mercredi 26 janvier à 9h, Place Pollard, donc la place devant le palais de justice. Et aussi le 29 janvier, il y a un accord pour faire un rassemblement aussi pour Ibrahima et les personnes sans papier qui ont été trouvées mortes dans le commissariat Gare du Nord. Donc on parle d'Ilyes et Mohamed. Pour un an déjà, Ibrahima Barry est décédé suite à un crime policier. À ce jour, l'affaire suit son cours à la justice. On ne lâche rien. Pas de justice, pas de paix. Nous continuerons à réclamer justice pour lui et toutes les autres victimes de crimes policiers. Nous vous invitons donc au rassemblement du 29 janvier 2022 à 14h afin de lui rendre hommage. Et le lieu de rassemblement, donc, c'est entrée principale Gare du Nord, côté Simon Bolivar. Et au programme, plusieurs prises de parole, donc de sa sœur, de l'avocate, de slameuse. Et donc, ils disent aussi, soyons en rendez-vous, la famille a besoin de la force, de soutien, retrouvons-nous, unissons-nous tous ensemble pour nos droits, pour que la justice l'emporte sur impunité policière. Donc c'est vrai, c'est toute une série de rassemblements, de manifestations sur différents cas de grosses violences policières. Donc, bon, si maintenant, après tout ça, il n'y a pas quelque chose qui bouge, ouais. Bon, ça sera à voir. Oui, je sais, parce qu'il y a plein de choses déjà passées en tribunal et c'est toujours un non-lieu. Donc, mais il faut continuer. Tout le monde déteste la police. De Kodama Dub Blackout, Ja Guru Pop. We'll be right back. passe Georges Brassens alors. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Voilà, fin décembre, nous avons appris le décès de Daniel Bécart. Pour les personnes qui ont fréquenté le Centre Libertaire, on l'a bien connu. Et une des choses qu'il a fait au Centre Libertaire, c'était notamment une soirée sur Georges Brassens, qui était un grand, grand succès. Il y avait plein de monde partout. C'était en 2000. Et en fait, c'est aussi à ce moment-là, plus ou moins, que moi j'arrive au Centre Libertaire, Axel aussi, Nicole aussi, nous visiter de temps en temps. Et Daniel, il venait souvent, on le voyait dans toutes les manifs. C'était un homme très chaleureux, avec un grand cœur, que j'ai seulement connu en 2000. Donc je ne le connaissais pas du tout avant, ni son parcours. Et je le découvre un peu maintenant, puisque avec son décès, Xavier, son fils, a récolté plein d'informations pour essayer de réécrire un article, par exemple pour le dictionnaire du mouvement ouvrier, et il m'a envoyé ses notes, et c'est dingue. C'est aussi un vrai parcours d'anarchiste belge de son époque. Donc il est né en 47 à Bruxelles. Enfin, il habitait dans le quartier de Bafon, dans le quartier où se trouve maintenant la cité administrative, qu'on va maintenant de nouveau démolir, mais enfin, à ce moment-là c'était encore un quartier très populaire. Et ses parents avaient en fait une pâtisserie rue des Sables, là où se trouve aujourd'hui le musée de la bande dessinée. Donc il a grandi là-bas. Mais au milieu des années 50, quand le quartier a été détruit pour la jonction, la gare du Nord vers la gare du Midi, tout le quartier a été vidé. Donc tout le monde est un peu parti à gauche et à droite. Voilà. Donc il a été à l'école jusqu'à 14 ans, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Et après, il a rejoint un atelier pour apprendre la profession de typographe. Pour les personnes qui connaissent un peu l'histoire du mouvement ouvrier ou l'histoire de mouvement anarchiste, savent que les typographes ont toujours été très présents parmi les anarchistes. Et donc, il y avait aussi un syndicat du livre à Bruxelles, donc, dont il est devenu membre en devenant un typographe. Et qui est vraiment un syndicat avec des tendances anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires historiquement. Ça a toujours été comme ça. Il y a pas mal de typographes connus parmi les anarchistes, comme Victor Serge, entre autres, et des membres de la bande à Bono. C'est en 60 qu'il est devenu typographe. Et voilà, en hiver 60-61, il y a la grève générale, la grande, grande grève belge, quasi révolutionnaire. Il a participé à ça, mais il était encore très jeune. Et donc, à Bruxelles, il travaille comme typographe, mais il fréquente, par exemple, la librairie de MD, aux Joies de l'Esprit. MD, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un artiste belge très connu. Voilà. Et donc, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les livres, qui était dans le syndicat du livre, mais il aimait beaucoup le lire aussi, la lecture. C'était un autodidacte. Et donc, malgré le fait qu'il a été à l'école jusqu'à 14 ans, c'était quelqu'un qui avait lu plein de choses, qui connaissait plein de trucs. Et puis, fin des années 60, comme plein de gens de sa génération, donc il y a mai 68, puis il y a les mouvements Mao, etc., aussi en Belgique. Et là, on le retrouve notamment dans la résistance contre les traitements infligés aux jeunes dans les maisons de correction. Aujourd'hui, tout ce système, les maisons de correction, ça a complètement changé, mais dans les années 60-70, c'était encore vraiment des prisons pour jeunes. Et pas juste des prisons, mais aussi des lieux où les jeunes ils étaient battus, ils devaient travailler, ils avaient peu ou mal à manger. C'était des lieux vraiment horribles. Et il y a eu tout un mouvement pour essayer de sortir ces jeunes de là, d'essayer de les informer, de faire connaître leurs droits. Il y a eu des manifestations aussi, notamment des manifestations qui ont été très fort réprimées par la gendarmerie. Et puis, le début des années 70, bien sûr, c'est Chili de Pinochet. C'est la guerre contre Vietnam. Enfin, la guerre en Vietnam plutôt, et contre les Vietnamiens. Et voilà, c'est un peu l'environnement militant de Daniel à cette époque-là. Et à ce moment aussi, ensemble avec sa compagne Anne, ils ont fondé une maison de jeunes travailleurs. J'ai trouvé ça un peu particulier, maison de jeunes travailleurs. J'ai un peu cherché de l'information. J'en ai trouvé un à Nivelles. Et apparemment, je ne sais pas si c'était le cas, si c'était la même mouvance, mais dans le Joc, il y a eu des maisons de jeunes travailleurs qui ont été fondées. Mais bon, en tout cas, il y a cette maison de jeunes, Les Mauvaises Herbes, qui est fondée à Saint-Gilles, avenue Foncely. Et ça devient un peu le pied à terre de toute une bande une bande d'amis, un peu la famille choisie de Daniel et de Anne. Voilà, puis dans les années 70, il y a donc Xavier, leur fils, qui naît. Et à ce moment-là, et c'est quand même un tout petit peu, je pense, par rapport à la militance. Quoique, dans les années 80, en fait, il tombe au chômage. C'est aussi un peu les années de la fin du métier de typographe. Parce qu'à ce moment-là, les ordinateurs ont fait leur entrée partout. Et donc, les typographes leur métier s'est évaporé, en fait, dans les années 80. Et à cette époque-là, il était beaucoup engagé, fin 80, début 90, dans les Restos du Cœur à Saint-Gilles. Et il a même eu, enfin, je ne sais pas d'où vient cette idée, mais en tout cas, le roi Baudouin a visité les Restos du Cœur et Daniel a décoré le roi Baudouin avec un pins des Restos du Cœur. C'est comme assez unique pour un anarchiste de décorer un roi. c'est assez unique. Voilà, puis dans les années 90, il a déménagé à Nivelles. Moi, je suis arrivé à Bruxelles, je ne l'ai pas connu en habitant ici, mais il venait toujours pour les manifestations et il venait souvent aux soirées organisées au centre libertaire. Et c'est là que je l'ai connu, comme Xavier, son fils d'ailleurs. Voilà. C'était un homme très chaleureux, un homme avec un grand cœur, très sympathique. Sa femme aussi d'ailleurs, Anne, très sympathique, je l'ai moins connue, enfin je l'ai vue quand elle venait aussi à des manifestations avec leur bande d'amis. Et voilà, c'est en apprenant en fait la mort de Daniel que j'ai aussi appris qu'Anne elle est morte le 2 novembre. Donc en fait, les deux sont morts en 6 semaines en fait. Donc en relisant les notes de Xavier, je me dis il y a plein de choses en fait à creuser dans son histoire, mais qui est aussi l'histoire d'une histoire sociale et une histoire de militant syndical. Et ce serait très intéressant de revenir un peu là-dessus, mais je ne vais pas le faire maintenant. Aujourd'hui, on voulait juste dire à Daniel et à Anne au revoir, que le diable vous garde. Et on va terminer avec une petite chanson qui lui était chère, notamment « Les anarchistes » de Léo Ferré. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Mais la suite de l'hommage à Daniel Beckart et le Centre Libertaire, c'est que... Oui, une des choses qui était vraiment bien avec le Centre Libertaire, c'était un point de chute anarchiste à Bruxelles. C'était un lieu bien convivial. Il y avait des réunions, il y avait une bibliothèque, on pouvait prendre un verre. Il y avait des repas. Il y avait des repas aussi. Oui, tout à fait. Comment ça s'appelait déjà, les repas? Il y avait aussi un cœur anarchiste, non? Oui, il y avait un cœur anarchiste. Mais comment on appelait les repas qu'on faisait? C'était, Axel il disait toujours, les anarchistes, ils font un repas, mais ce n'était pas un repas, c'était autre chose. Mais enfin, je ne me souviens plus, dis donc. C'est pas grave. Oui, oui, oui. Un banquet? Un banquet. Un banquet anarchiste, un oui, banquet anarchiste. Tout à fait. Oui, je m'en souviens, vivement. Voilà, ben, quand le Centre Libertaire était fini, en fait, il y avait un autre local à Bruxelles, à Crata. Donc, on leur a donné notre bibliothèque, en fait. Enfin, une très grande partie de la bibliothèque, la plus grande partie de la bibliothèque, en fait. Mais c'était peut-être pour les gens qui participaient à Crata, c'était chouette, c'était convivial, j'imagine, je ne sais pas. Mais pour nous, ce n'était pas très convivial. Je me suis jamais très... Je n'ai jamais été très bienvenu là-bas. Je n'ai jamais su pourquoi non plus. C'est Gaston qui allait tout le temps à Crata. À Gaston, oui. Mais Gaston était tellement adorable, c'était impossible de ne pas l'aimer. Maintenant, apparemment, à Crata, c'est fini et il y a un nouveau projet, un nouveau lieu anarchiste qui s'installe de Zotte Morgan. Et ouais. Tu veux nous parler de ça, Gwendoline? Donc, non, c'est le même local. Donc, ça reste la rue Grand-Île numéro 32 à 1000 Bruxelles. Mais je vais vous laisser la parole à Wendy, qui va nous expliquer dans une capsule sonore. Et aussi Aline qui va présenter, parce que la distro, la Pinothèque, va aussi se trouver dans ce local, bientôt. Ce vendredi, premier rendez-vous. Je suis contente de vous présenter le Zotte Morgen, une bibliothèque anarchiste dans le centre de Bruxelles, 32 rue de la Grand-Île, pour être plus spécifique, entre la Bourse et Annessens. Et donc c'est un lieu où on trouve à la fois une bibliothèque, mais aussi où on peut se procurer quelques livres, souvent auto-édités, par des maisons d'édition libertaires et anarchistes. Et vous trouvez aussi les archives qui reprennent les expériences de lutte, les publications d'ici et d'ailleurs à travers le siècle passé, donc qui regroupe donc différents pays, etc. Et il y a la volonté d'être un espace qui accueille aussi des very bad parents et en l'occurrence aussi leurs very bad kids. Donc on va introduire une après-midi mensuelle autour de ces thématiques-là, où on invite vivement toute personne qui a envie de aussi s'occuper un peu autour de cette question pratiquement ou en termes d'idées pour venir nous rejoindre, pour que les parents puissent aussi souffler un peu. Alors, donc, il a la possibilité d'envoyer un mail à lesautomorgan@riseup.net pour vous inscrire à la mailing list, pour être tenu au courant des activités prochaines. Et il y aura aussi un site web No Blogs qui va prochainement être mis à disposition de tout et chacun. Voilà, ça c'est pour la petite présentation. Et maintenant, je vais vous lire, en fait, parce que j'imagine que vous vous posez la question, mais de Zurtomorio, pour tous les non-flamandophones qui nous écoutent, vous devez vous dire, mais c'est quoi ce nom? Ça vient d'où? Et oui, c'est donc tout à fait en flamand, vous avez bien compris. Donc c'est, en fait, une chanson que Jeff Van Hatzel a écrit et chanté dans les années 70. On va vous la passer après, mais je vais vous traduire le sens, parce que pour moi, les mots, les paroles de cette chanson sont très, très beaux. Et c'est notamment pour ça qu'on a choisi l'idée-là de appeler le local le Zotomorgen. Alors, en néerlandais, le mot morgen, ça réfère aussi fort vers un lendemain que vers une matinée. Alors le français ne reprend pas cette complexité du langage, mais donc on va se référer autant à la folie des matins que au possible bonheur des lendemains. Donc Jeff Van Hatzel, ça s'écrit Z-J-E-F-V-A-N-U-Y-T-S-L, si vous avez envie de en savoir plus par la suite. Voilà, donc une traduction de la chanson. La nuit s'éloigne, le ciel devient pâle, les ombres s'enfuient en silence, et à l'horizon lointain, le soleil commence à se lever. Et là s'élève de la brume la clarté de l'aube, avec sur ses genoux le matin fou. La ville se réveille, le premier train brise le silence, et sur son signal commence la danse sauvage des fous. L'homme sort de son berceau, pense à son travail et à son journal, encore à moitié endormi, dans les rues. Le monde reprend ses soucis insensés, le rythme de la folle matinée. Maintenant, l'horizon devient rouge et le froid passe doucement par les fenêtres. Le silence fuit tous les bruits qui s'élèvent des rues. Et voilà le matin de nouveau, un rire et à chaque fois, il s'en va sans crainte, la nuit et les rêves. La ville devient sauvage et les voitures font la course à travers ses portes, et le dernier repos est chassé de sa cachette. Les oiseaux fuient plein de tristesse de leur tour parce que leur chant n'est plus compris par personne. Les gens marchent côte à côte, une salutation lointaine, un geste silencieux, car tout est maintenant mesuré par le temps. Le monde reprend sa folle matinée, le rythme du matin fou, mais la terre elle-même dort encore de sa torpeur. Caché dans le feuillage, ici aucun homme ou son ne vient perturber la paix infinie, alors que la ville se précipite et hurle. Le matin donne ses ordres, ici à l'aube, le jour est né, et les enfants et les fous dorment parmi les roses, sains et saufs du rythme de la folie du matin. Bienvenue à tous et à toutes, le jeudi de 5h à 8h. Donc tous les jeudis de 5 à 8h. Et les vendredis, il y aura la permanence de la distro Lapinothèque qui sera expliquée par la copine. Salut. La distro Lapinothèque, elle est née autour d'un groupe qui s'appelle les Lapins Électriques. Et en fait, à la base, elle proposait lors de concerts des revues, des journaux d'orientation communiste libertaire et anarchiste, mais aussi des ouvrages liés à la culture punk underground subversive et quelques cassettes, quelques vinyles. Alors, il y a eu ensuite une période plus collective qui est arrivée, où on est plusieurs copains, copines, à avoir constitué une petite équipe affinitaire pour diffuser des lectures critiques radicales. Et aujourd'hui, aujourd'hui on ne veut pas être le reflet d'une lutte particulière, mais on est complice et soutien de celle qui nous rassemble entre nous. Alors en fait, on présente cette table lors de concerts, lors de rencontres, lors de manifestations. Lors de divers rassemblements qui se font moins présents aujourd'hui, mais qui sont voués à revenir incessamment sous peu. Alors on propose des prix neufs à prix réduit et des livres d'occasion. Donc nous, on ne réalise aucun profit sur la vente des livres, mais nos frais sont quand même couverts par une caisse de soutien qui est proposée sur un rayon à prix libre. Alors, on n'a pas de ligne éditoriale stricte et notre table propose des livres, des disques, des brochures, des revues, des fanzines politiques et littéraires autour de la critique radicale du capitalisme et plus généralement d'une certaine culture populaire. Alors, on tient aussi à contribuer à l'effort de mémoire, de réflexion et de proposition des luttes anarchistes et anti-autoritaires. Nous, on est effectivement tous les derniers mercredis du mois, on présente notre émission d'une heure et demie environ sur les ondes de Radio Air Libre, donc de 20h30. À 22h. Elle est rediffusée le vendredi qui suit à 21h. On est également tous les premiers mercredis du mois au Bunker à partir de 18h dans une rencontre fanzine. Et depuis peu, nous sommes dans le Zottmorgen, donc qu'on partage avec la copine qui vient de vous expliquer, qui vient de vous parler de ce local. Voilà, on est très heureux donc de vous accueillir de 17h30 à 21h30 les vendredis dans ce local pour vous faire découvrir notre table et surtout pour discuter de livres, de musique et d'autres choses. À très bientôt. De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt, de schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon begint de zon te stijgen. En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, heilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen. Nu kleurt hij in de rood en valt de kou zacht door de ramen. De stilte vlucht voor al het lawaai dat opstijgt uit de straten. En daar is dan de morgen weer, een schaterlach en elke keer verdrijft hij zonder schromen. De nacht, de dromen. De stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want toen niet wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar en verder groet een stil gebaar, want alles wordt nu door de tijd gemeten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen. Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. Je vais juste encore rajouter que Wendy avait dit aussi que si vous avez des activités à proposer, si vous voulez passer, voilà, il y a moyen d'aller là-bas. Et donc aussi de les envoyer un mail, comme elle avait dit. Voilà, merci. Donc nous allons passer à un autre événement qui a eu lieu lundi, qui s'appelle le Lumumba Day 2022. Enfin, le rassemblement était place du trône au départ, à 16h. Et alors, c'est un événement de collectif Mémoire coloniale et de lutte contre les discriminations. Donc, chaque année, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations convie au Lumumba Day afin de rendre hommage à Patrick Lumumba, Joseph Okito et Maurice Polo, qui ont été assassinés tous les trois le 17 janvier 1961. L'État belge s'était engagé en 2020 à restituer les reliques du Premier ministre Patrice Lumumba à l'État congolais. Et en marge de cet hommage habituel, a été abordée la question du retour de Patrice Lumumba sur sa terre natale et ses implications, mais aussi celle des restes humains de Congolais ou Congolaises encore présents dans les universités, musées belges, etc. Donc, je suis allée donc, à ce rassemblement. Donc, à 16h, effectivement, on s'est retrouvé un petit groupe devant la statue de Léopold II, où on nous a expliqué un peu l'histoire qui s'était passée à l'époque, qu'est-ce qu'était le Congo belge, quel était le Congo indépendant. Et donc, ça a été expliqué pourquoi la statue était dans ce sens-là, pourquoi, voilà, et tout. Enfin, il y a eu plein de choses. La statue était toute propre. Et le monsieur qui nous a parlé de tout ça a dit oui, parce que quand la statue est sale, c'est les gens de Bruxelles Propreté, les Africains de Bruxelles Propreté qui viennent nettoyer la statue. Mais c'était pas sale, c'était juste parce qu'il y a plein de manifs et plein d'événements. Donc, on salit un peu, dessine des choses dessus, des tagués, des trucs. Finalement, c'est les Africains de Bruxelles Propreté qui viennent nettoyer les statues. Ouais. Voilà, et alors à la suite de ça, il y a eu un rassemblement. On est parti au square, Patrick Lumumba qui est à la porte de Namur, qui est sur le territoire de Mille-Bruxelles, et où il y a eu un hommage avec des prises de parole et avec quelqu'un qui a fait du slam. Et puis, le soir à 18h, il y avait une conférence qui a eu lieu à l'Horloge du Sud, mais auquel je n'ai pas participé. Je suis désolée. Mais dans tout ce que tu as enregistré, on a dû raccourcir un peu, et donc on va écouter plutôt l'hommage même de Patrice Lumumba sur le square Lumumba, oui, avec le slam. Pas de souci. Ok. Mais d'abord, ça commence avec une chanson hommage à Lumumba. Et c'est une chanson du groupe musical Authentica qui rend hommage à Lero et Miri Patrice Lumumba. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous sommes tes fils, tes filles et petits-fils. Le corps meurt, mais l'esprit demeure. Yamotoye, Bosangisa, Kokabola, Makanisi. Bonayo, Eyombe, Yakongo, héros national. L'histoire du Congo ne sera pas écrite par ceux d'ailleurs, mais par le Congolais lui-même. Bonayo Eyombe ya Congo, héros national. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions ténèbres. L'avenir du Congo est meilleur au Loba, à mon athée, Baba Nzango et Zapamba, à ta cobout, ou Meli, Potomo et Tana. Notre héros, et ça c'est Bonayo, les Panda Tosua, à fleur d'âge, on a ravi la vie de notre sage, peuple congolais, l'unité est notre seul sauvetage. Place Lumumba, la place A, ah, il y a encore des gens qui arrivent. Lumumba oye, oye. Lumumba oye, Okito oye, oye. Mpolo oye, oye. Voilà, on attend que les retardataires arrivent. Bien, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer pour la suite, donc moi je vais terminer la visite guidée, ensuite il y aura une libation qui sera faite en hommage aux trois personnes assassinées, donc Joseph Okito, Maurice Mpolo et Patrice Lumumba en 61. Ça sera fait par notre aîné Billy Kalonji qui est là. Et ensuite, on aura une prise de parole du collectif Mémoire Coloniale même. Et ensuite, on vous donne rendez-vous évidemment à l'Horloge du Sud, parce qu'il y a une conférence sur les enjeux liés à la dent. Vous savez qu'il y a une dent de Patrice Lumumba ici en Belgique, dont on va parler également. Donc voilà, pour vous contextualiser un peu le lieu dans lequel on est aujourd'hui, la place Lumumba, officiellement, elle a été créée le 30 juin 2018, hein, inaugurée le 30 juin 2018. Certains d'entre vous étaient là d'ailleurs. C'est le résultat de 10 ans de lutte. Hein, d'abord dans la commune d'Ixelles, puisque derrière l'église Saint-Boniface, ça a été l'endroit où on a d'abord réclamé la place Lumumba. Ça a été le premier lieu pour lequel on a revendiqué, nous et d'autres associations, Change ASBL, BAMCO, la bibliothèque Lumumba, etc., etc., qui ont contribué à faire ce rapport de force. Malheureusement pour nous, l'ancienne majorité politique qui était en place avait refusé cette place Lumumba. Et on nous répondait, l'argument qu'on nous sortait en fait sur le refus, c'était de nous dire que Lumumba n'était pas un personnage consensuel, c'est-à-dire qu'il n'était pas fédérateur. Argument auquel on répondait, est-ce que Léopold II est consensuel? Pourtant il est dans l'espace public. Hein, on nous disait des choses comme Lumumba est aussi responsable d'un génocide au Kassai. Toute la propagande coloniale, il faut avouer une chose, c'est que à partir de 60, la diabolisation de Patrice Lumumba dans les médias belges et au sein de la classe politique belge a été l'un des fleurons de la politique. Et donc, il était nécessaire pour nous d'amener son nom et de, ensuite de laver son honneur. Hein, de laver son honneur, puisque aujourd'hui, on a quasiment réussi à faire revaloriser Lumumba dans l'espace public de nouveau. Et donc, cette place 2018 jusque maintenant, c'est une toute jeune place. On se bat encore pour qu'elle soit élargie à l'ensemble du territoire, hein, puisque ici on est sur Mille-Bruxelles et l'autre côté on est à Ixelles. C'est une lutte qui est toujours en cours aujourd'hui, donc on vous invitera régulièrement à nous rejoindre pour des activités. Le 30 juin, évidemment, date de l'indépendance du Congo, c'est un contexte assez particulier pour ce pays-là, puisque Lumumba n'est pas seulement assassiné parce qu'il revendiquait le pouvoir de son peuple, il est aussi assassiné parce que sa pensée politique n'était pas celle de la division du Congo et de la division de l'Afrique tout court. Sa pensée politique était celle du nationalisme sur le plan congolais. Il refusait par exemple qu'on sépare le Katanga, qu'on sépare le Kasaï. Puisque vous savez que la Belgique, au travers de l'union minière d'un côté au Katanga et ensuite de la compagnie du Kasaï dans le diamant, a financé les sécessions et du Katanga et du Kasaï. Par la suite, pour déstabiliser le gouvernement central de Patrice Emery Lumumba. Légitime et élu démocratiquement, j'insiste là-dessus. Élu démocratiquement. Et d'ailleurs, sa destitution en tant que Premier ministre est tout à fait illégale également par le président Kassav. Pas aller dans les détails. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Bienvenue à cette place Lumumba. C'est une lutte toujours en cours, comme je disais. Elle est en face de la BNP Paribas Fortis, ancienne Société Générale, actuelle. Puisque dans les archives, on sait qu'il y a le discours original de Patrice Emery Lumumba du 30 juin 1960 se trouve aujourd'hui dans les archives de la BNP. Donc ça interroge sur la société dans laquelle nous sommes. Et j'insiste sur ce discours pour terminer. Lumumba commence par dire « Congolais et Congolaises ». Alors que le roi Baudouin est dans la salle, alors que le président Kassavubu est dans la salle. La première chose qu'il dit, c'est pas « Sire, votre excellence ». C'est pas ça qu'il dit. Et il le barre d'ailleurs sur le papier original et il dit Congolais, Congolaise. C'est le jour de son peuple et nul autre n'a droit aux honneurs à part le peuple congolais ce jour. Et il termine le discours, vive le Congo, vive l'Afrique. Puisque Lumumba était profondément panafricain. Profondément panafricain. Ça ne l'oublions jamais. La parole est désormais à Kavena, Kavena Gomoz qui nous accompagne dans nos différents événements, qui est toujours là pour nous. Il est jeune artiste bruxellois, slameur, il va nous faire une petite performance. Je vais donc vous interpréter deux poèmes. Je l'ai écrit pour l'occasion, j'espère qu'il sonne bien. Je vais le tester auprès de vous. Congolais, Congolaise, combattant de la liberté aujourd'hui victorieux, les premiers mots d'un discours qui rendirent un roi furieux. Discours de liberté, discours de lutte, discours arraché, plein de mots bruts. Les rêves d'indépendance se sont réalisés, même si aujourd'hui son sens est controversé. Aux acteurs de l'indépendance, à ceux qui ont combattu l'injustice, l'oppression et l'exploitation, nous sommes aujourd'hui vos rêves et ambitions. J'avais écrit mon « Nous sommes les rêves et ambitions d'un esclave, ses espoirs, sa quête, son intention d'ascension, je reformule aujourd'hui. Nous sommes les rêves et ambitions d'hommes à présent libres. Nous sommes leurs espoirs, leur quête, leur intention de libération, mais là où je viens, là d'où je viens, on meurt avec des rêves. Là d'où je viens, on meurt avec des rêves. Là d'où je viens, on meurt, oui. » Même si la mort sonne à la naissance d'une nouvelle année, les rêves demeurent, ils subsistent, ils enfantent des êtres aux rêves plus grands, aux ambitions plus larges, aux enfants qui marchent en suivant les traces de leurs aînés, de Lumumba, d'Okito, de Mpolo. À nous, enfants nés d'une lutte de tous les jours, d'une lutte ardente et idéaliste, d'une lutte de force, de privation, de souffrance, d'une lutte faite de larmes, de feu et de sang. N'oublions jamais, que sans justice il n'y a pas de paix, que sans paix il n'y a pas de liberté, que sans liberté il n'y a pas d'homme, sans homme il n'y a pas de dignité. Et pour reprendre encore une fois les mots de Lumumba, sans dignité il n'y a pas de liberté, sans justice il n'y a pas de dignité, sans indépendance il n'y a pas d'homme libre. Kimia Ponabiso Nyoso, merci beaucoup. J'aimerais maintenant dédier mon dernier slam à mes contemporains, ceux de ma génération tout simplement. L'histoire s'écrit sur mon corps, l'encre obscurcit ma complexion. Je suis noir, noir de rêve et d'ambition, noir de rêve d'abolition, noir des désirs de liberté, noir des histoires de vie passée. J'ai la mémoire dans la peau. Mémoire que j'honore à chacune de mes réussites, mémoire que je célèbre dans chacun de mes poèmes, mémoire toi qui se manifeste sur mon physique, jetée sur mes gencives et sur toutes les parcelles de mon épiderme. Et en ce moment, et ce même quand il saigne, mon teint livide est une nuit d'hiver. Maman, les grands héros ont fait naître de beaux printemps, et je fais partie de ces bourgeons. Je suis une fleur de caoutchouc aux pétales cuivrés du Congo. Mes mains sont en diamant, mon cœur est en plomb. Pour certains, je ne suis qu'un kaiju sorti des eaux, ou encore le Molière du langage yabon. Alors que pour les miens, je suis le fils d'Alexandre, le fils d'Aimé, le fils de Phyllis, fils des sœurs Jeanne et Paulette. Je suis l'un des dignes héritiers de la négritude. Mes frères sont nombreux, artistes dans l'art des lettres. Nos pères nous guident, nous montrent la marche à suivre. Mes étoiles m'inspirent. Elles portent le nom de ceux qui accomplissent, de ceux qui agissent et de ceux qui pensent notre condition. Mes étoiles s'appellent Mireille, Estelle, Marie-Fidèle, Eric, Emmanuel, Aurélie, Adi, Gabriel, Véronique, Zéye, Aliou, Calvin et Égide. Et j'en passe encore. Mes étoiles sont nombreuses. Et dans la nuit, quand je les observe, je me rappelle que la complexion de ma peau n'a comme seule équivalence la magnificence du ciel. Et que l'histoire qui s'écrit sur elle se reflète dans les cieux. Merci beaucoup. Il y a du bruit encore pour Kavena. La parole est désormais à notre partenaire avec qui on organise aujourd'hui le Lumumba Day, la bibliothèque Lumumba, et à mon cher aîné Wendy qui va me rejoindre ici. Bonsoir tout le monde. Les ennemis de Lumumba voulaient que le 17 janvier soit son dernier jour. Par votre présence ici aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer que ce n'est pas son dernier jour. Lumumba est toujours vivant à travers ses idées, son combat, et nous sommes là pour réactualiser ses idées et son combat. Donc je voulais juste faire un petit mot pour vous dire qu'ils nous ont rendu un service. Parce que maintenant, il sera immortel. La bibliothèque Patrice Lumumba a deux projets qui vont encore davantage l'immortaliser. C'est que nous soutenons la démarche de faire un Lumumba Day, qui est une journée internationale. Patrice Lumumba, chaque année, le 2 juillet. Et nous voulons, avec les efforts de tout le monde, et on compte aussi sur le privé, il ne faut pas laisser l'État seul faire ce travail, qu'on puisse ériger au cœur de l'Afrique un projet grandiose, la plus grande bibliothèque d'Afrique, au cœur de l'Afrique, donc au Congo. Donc on compte sur vous aussi, et merci pour mon partenaire aussi, notre partenaire, le collectif Mémoire Coloniale. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, ce que j'ai déjà parlé avant. Donc voilà, merci pour être venus nombreux. Donc revenez chaque année pour bien montrer que Lumumba vit. On a voulu que le 17 janvier soit son dernier jour, il est vivant. On parlera de l'autre Lumumba à partir de maintenant, du Lumumba vivant. Lumumba, oye! Oye! Okito, oye! Oye! Mpolo, oye! Oye! La parole est désormais pour conclure ici. Et ensuite, je rappelle qu'on se retrouve à l'Horloge du Sud, endroit panafricain par excellence, vous le savez très bien. La salle au-dessus, on a une conférence sur la question de la dent de Patrice Lumumba, les dimensions politiques nationales et panafricaines. Ça sera animé par le collectif Mouvement Colonial et le MNC, le Mouvement National Congolais. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. Se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está de norte a sur, se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya. Anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. Se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Voilà. Alors cette chanson, c'était une chanson de la révolution chilienne et c'est une chanson qui est devenue un symbole d'unité et de solidarité populaire pour des citoyens opprimés de tout pays qui luttent pour leur liberté et l'égalité et qui dépasse en fait tout son rapport avec le Chili. Elle a été traduite en plusieurs langues, elle a été reprise dans plusieurs pays. Voilà, donc je peux vous expliquer que en fait pourquoi nous avons passé cette chanson, qu'on devait passer un reportage de Là-bas si j'y suis sur l'histoire de cette chanson, mais comme nous n'avons pas le temps ce soir, donc on le passera une autre fois. Et donc si vous êtes abonné à Là-bas si j'y suis, vous pouvez toujours voir le reportage de Julien Besancenot du NPA en France, mais je ne sais pas s'il est toujours au NPA ou s'il fait toujours de la politique, j'en sais rien. En tout cas, il milite toujours, il est dans la balle chez lui, et où il parle de l'histoire de cette chanson, qui était assez intéressant. Mais on reviendra à un autre moment, à une autre émission de radio. Donc pour l'instant, je vais vous faire l'agenda. Alors le samedi 22 janvier, donc il y a ce rassemblement, on en a parlé tout à l'heure, en face de la gare centrale au carrefour de l'Europe à 14h. C'est un rassemblement contre les violences policières, donc qui est organisé par le collectif de parents contre les violences policières du 24 janvier. Alors à 15h, vous avez un atelier d'autodéfense, le lieu à confirmer par mail. Donc c'est à 15h, c'est un atelier d'autodéfense verbale féministe en mixité choisie sans mec 6. Donc l'autodéfense féministe permet donc de prévenir et de riposter face aux violences, quelles qu'elles soient. Elle permet de développer des ressources qui nous sont propres, de connaître nos limites et d'augmenter nos capacités d'action et notre confiance en soi. Alors le prix est libre. Vous payez ce que vous voulez, ce que tu veux. L'argent permettra de couvrir les frais de l'activité, comme l'impression, les prix libres du lieu qui accueille, les boissons, les collations, mais il ne doit pas être un frein à la participation. Alors donc c'est donc de 15h à 18h, donc ce 22 janvier. C'est à Bruxelles, mais il n'y a pas un lieu déterminé, mais il y a 10 places possibles et c'est une inscription obligatoire via mail à melody.autodefense@mailo.com. Donc melody.autodefense@mailo.com. Voilà. Alors, le même jour encore, le 22 janvier à 19h à la librairie Météor, 4 rue d'Anderlecht à Bruxelles, 1070. Donc, il y a un événement de Bruxelles Panthère et Librairie Météor. C'est une rencontre entre Norman Ajari et Bruxelles Panthère autour du livre Noirceur, paru aux éditions Divergence. Donc, dans l'histoire africaine-américaine, le pessimisme ne porte pas sur les Noirs, mais sur la capacité de la société blanche à dépasser sa négrophobie. Et si les idées et les réformes que nous tenons pour progressistes n'étaient que des métaphores du racisme. À l'ère Black Lives Matter, la permanence de la déshumanisation et de la mise à mort des Noirs apparaît comme un socle de nos sociétés civiles. Ce livre s'oppose aux visions simplistes. Alors, donc voilà, donc c'est une présentation de ce livre donc à partir de 19h donc à la librairie Météor, 4 rue d'Anderlecht à 1070 Bruxelles, pardon. Ensuite, le 23 janvier, alors ça se passe aux Otterborgen, donc le lieu dont on a eu le reportage tout à l'heure, qui est 32 rue de la Grande Île à 1000 Bruxelles, et donc c'est à 15h. Il y aura une discussion sur la résistance aux rafles et expulsion domiciliaire aussi au Royaume-Uni. Alors, c'est donc, ça se passe dans le Londres Sud de 2015. Voilà, alors il y a tout un texte sur, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Mais sur le truc des rafles à Londres, oui, ça parle vraiment des situations de migration, non ? Oui, qu'il y a eu des rafles dans les quartiers. Qui rafle de manière visible et intimide les gens dans les quartiers ghettoisés et les marchés à bas prix. Voilà, le but, faire fermer les marchés pour que des promoteurs immobiliers puissent acheter les terrains et les magasins pour en faire un Disneyland pour Youpi, qui à leur tour entraîneront plus de sécurisation, de caméras, de présence policière, ce qui rendra plus facile les rafles. Voilà, c'est pour faire une discussion sur cette thématique-là. Ouais. Et donc c'est toute une discussion là-dessus. Et donc si vous voulez soutenir ce nouveau lieu qui s'appelle le Zotemorgen, peut-être que ce serait bien d'aller là-bas. Donc c'est à partir de 15h, dimanche 23 janvier 2022, donc c'est 32 rue de la Grande Île à 1000 Bruxelles. On peut encore dire l'adresse mail parce qu'elle avait dit ceux qui veulent s'inscrire, les autobolgues à 13.net pour avoir les activités, pour être mis au courant de toutes les activités. Okay. Et sinon apparemment ils mettent certaines activités aussi sur Indymedia Bruxelles. Et les Zotemorgen, ça s'écrit Zote, c'est Zoten. Mais Zotemorgen, c'est en un seul mot, et c'est atrise.net. Voilà. Alors, après le 24 janvier, vous avez, comme tous les lundis, à partir de 14h30, au Burtwinkel, 13 places à naissance, donc une permanence squat. Donc, toujours si vous êtes à la recherche d'un toit, plus possible de payer un loyer ou tout simplement avide d'espace, la ville regorge de bâtiments vides qui n'attendent plus qu'à être habités. Voilà, par où commencer, comment repérer les abandons, quel tour de passe-passe pour toutes ces portes, comment se protéger face aux propriétaires et la loi anti-squat, donc conventionnée et tout ça. Il y a plein de réponses à vos questions, donc si ça vous intéresse, c'est toujours le lundi, tous les lundis à partir de 14h30 au Burtwinkel, 13 place Anne-Essence à Bruxelles. Alors, à 17h, il y a un rassemblement de soutien à Julien Assange. Toujours. Voilà, c'est Place de la Monnaie ou à Namur, Place de l'Ange. Donc, pour obtenir la libération toujours d'Assange. Donc, Place de la Monnaie, c'est à 17h jusqu'à 19h. Et sur la Place de l'Ange à Namur, c'est de 17h à 18h. Voilà. Et puis, le 25 janvier, il y a un rassemblement, une solidarité avec Olivia Zemmour, boycott TEVA, Consulat général de France à Bruxelles, 42 boulevard du Régent, organisé par le Comité belge de solidarité avec Olivia Zemmour. Le 27 janvier, Olivia Zemmour, présidente d'Euro-Palestine, comparaîtra devant la Cour d'appel de Lyon. La firme israélienne Teva, qui a accusé Euro-Palestine d'appeler au boycott de ses médicaments génériques et d'être victime d'une discrimination antisémite, a été déboutée le 18 mai 2021 par un tribunal lyonnais spécialisée dans le droit de la presse. Olivia avait été acquittée sur toute la ligne, mais Teva s'acharne et fait appel à partir de la Belgique, envoyant un message de solidarité avec Olivia et revendiquant le droit au boycott d'Israël. Voilà. Donc c'est à partir de 12h devant le consulat général de France, 42 boulevard du Régent à Bruxelles. Voilà. Ensuite, vous avez donc le 26 janvier de nouveau un rassemblement. Celui-là se passe devant le palais de justice, place Poulart, pour Sabrina et Wazim, dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc c'est le 26 janvier à partir de 9h devant le palais de justice, place Poulart. Et à 18h30 le même jour, vous avez à l'Horloge du Sud, qui est 141 rue du Trône à Ixelles. Il y a un sujet qui s'appelle « Filmer Bruxelles qui change ». Et alors, c'est Bruxelles Academy et le CVB, c'est-à-dire le Centre de la vidéo belge, qui s'associent pour un cycle de rencontres, projections autour de « Filmer Bruxelles qui change », une rétrospective des ateliers urbains réalisés ces 10 dernières années par les habitants des quartiers bruxellois. Et le premier, donc ce mercredi, ce premier rendez-vous, ce premier cycle aura lieu se portera sur la place Flagey, consacrée donc à la plus grande place de Bruxelles, qui a fait peau neuve début 2010 suite à d'interminables travaux, et en 2009 à l'initiative du Centre Vidéo Bruxelles, de Pluto Delatte et de Gwenaël Brez, naît l'envie de poser un regard sur cette place en pleine transformation, sans le filtre d'experts, en donnant la parole à un groupe mélangé de personnes qui entretiennent un lien, donc comme les habitants, les usagers, avec cet espace public et les quartiers avoisinants. Alors, munis de caméras et de micros, ils s'approprient le film, chacune à sa manière, ce dont résulte un long métrage en forme de collage lyrique et spontané où se côtoient expérimentation, poésie, humour et révolte. La projection sera suivie d'une discussion avec un participant du film, une ou un représentant du bureau Fallo qui vient d'être choisi pour reverduriser la place Flagey, et Benoît Moritz, architecte urbaniste. Donc la présentation sera faite par Anna Pavoise, collaboratrice scientifique à la faculté d'architecture de l'ULB. Alors il y a une réservation indispensable. C'est un événement Facebook, mais il y a une réservation indispensable sur réservation au pluriel @cvb.be. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour ce soir. Oui, mais c'est vrai qu'à cause qu'on n'a plus vraiment Tranche d'Anard la semaine prochaine, parce que ça l'a dit trop la Pinothèque, peut-être tu peux dire quand même un petit mot sur la brèche. Le vendredi 28 janvier. Sur ça, là. Mmh. Ok. Alors, le 28 janvier, le 28 janvier, librairie Météor encore. 207 rue Blaze dans les Marolles. Alors, cet événement de La Brèche, journal de Génépi Belgique. La Brèche 4 étant sous presse, il est temps d'organiser sa sortie. Alors, pour ce faire, nous vous donnons rendez-vous donc avec une partie du collectif pour discuter des articles du numéro. Il sera question des continuités carcérales entre répression des quartiers, violences policières et prison, mais aussi de la manière dont la communauté musulmane est visée par des dispositifs de suspicion à travers la notion de radicalisation. Le numéro sera divisé en deux parties indissociables. Alors, nous y retrouverons entre autres de jeunes d'Anderlecht sur leur vécu de la répression. Donc il y aura Ayoub Bouda, collectif Justice pour Mehdi, Selma Ben Khalifa, avocate, sur les inégalités systémiques au sein de la justice pénale, Chroma, personne sans papier ayant connu la prison et les centres fermés, ou encore David Jamar, sociologue, sur les procès-verbal de l'instruction des policiers ayant tué Lamine Bangoura. Voilà, donc c'est la première partie, racisme et criminalisation des populations dans le viseur. Ça, c'est la première partie. Et aussi, à Radio Libre, on a eu un communiqué de presse d'aujourd'hui sur une pièce de théâtre qui parle aussi de la même thématique. Ma liberté n'a ni barrière ni barreau. Parloir, une nouvelle pièce de Ras El Hanout, débarque à l'épicerie et aux Molières, donc c'est du 4 à 13 février. Et Parloir donne rendez-vous aux spectateurs et spectatrices deux week-ends consécutifs à l'épicerie et au théâtre Molière, une pièce de théâtre dont le thème principal interroge chacun, chacune sur la question de la liberté des libertés. La pièce débute dans une cité à Tubize où deux personnages tentent de construire leur avenir. Entre recherche de travail, ambition et quête de liberté, Espérance et Hakim sont tourmentés. Parloir, par l'intermédiaire de son narrateur, nous emmène jusqu'à l'intérieur des murs de prison où la discussion entre gardien, gardienne et prisonnier, prisonnière résonne. Un spectacle mêlant slam et théâtre à découvrir du genre pour son message poignant et ses talents bruxellois. C'est un communiqué de presse qu'on a eu aussi aujourd'hui. C'est déjà pour le début février. Mais c'est vrai que la prochaine fois, c'est le 26 janvier, c'est la Distro Lapinothèque qui sera à ce chrono aussi à Radio Air Libre. Ok. Merci à tous et bonne soirée. Oui, ils sont encore réveillés là. Salut. Oui. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.